Bonjour à toutes et à tous, c'est Michel pour sa chronique du jeudi matin sur RGM. Voilà, je voudrais parler d'environnement. C'est toujours d'actualité, plus que jamais. Et faire référence à un article de Libération qui parle que les sages infligent un revers aux producteurs de pesticides. C'est pas trop tôt. Parce que là, je pense que devant les atermoiements du gouvernement français, de l'Europe, etc., pour certains pesticides, il est quand même bon que la justice, enfin le Conseil constitutionnel, rende des décisions, entérine pour la première fois la prééminence de la cause écologique, ce qui s'appliquera à toute loi à venir. Alors, bien sûr, ces lois ne sont pas promulguées, mais ça peut aussi préserver l'avenir et puis servir de base quand même à des actions juridiques. Historique, extrêmement important, vraie avancée pour la protection de l'environnement. La décision rendue vendredi par le Conseil constitutionnel au sujet de l'interdiction de produire en France et d'exporter des pesticides bannis par l'Union européenne, jugée conforme à la Constitution, est qualifiée de tournant majeur par les spécialistes du droit de l'environnement. Car au-delà du sujet précis de cette décision, les sages du Palais Royal consacrent pour la première fois un objectif de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains. Citation. Et fin de citation. Ce qui change désormais la donne, car il s'appliquera à toutes les lois à venir. Le point de départ de cette décision est la contestation par l'Union des industries de la protection des plantes, le lobby des entreprises productrices de pesticides, d'une disposition de la loi Agriculture-Alimentation, EGalim, de 2018, prévoyant l'interdiction en 2022 de la production, du stockage, de la vente de produits phytopharmaceutiques destinés à des pays tiers et contenant des substances prohibées par l'Union européenne. L'UIPP, rejointe par l'Union française des semenciers, avait déposé une question prioritaire de constitutionnalité QPC devant le Conseil d'État, car elle soutenait que cette interdiction d'exportation était contraire à la liberté d'entreprendre. Liberté à valeur constitutionnelle. En novembre, le Conseil d'État avait transmis cette QPC aux sages, car il s'agissait de demander au juge constitutionnel son avis par rapport à d'autres principes de valeur constitutionnelle. La protection de l'environnement, inscrite dans la Charte de l'environnement de 2005. Par sa décision de vendredi, le Conseil constitutionnel adresse un camouflet au lobby des pesticides, mais surtout, il fait faire un pas de géant à la protection de l'environnement. Certes, la décision rappelle tout d'abord que la liberté d'entreprendre est garantie par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, mais les sages ajoutent que la protection de l'environnement, patrimoine commun des êtres humains, constitue un objectif de valeur constitutionnelle. Cette phrase est clé, car pour la première fois, le Conseil constitutionnel s'appuie sur le préambule de la Charte de l'environnement. Le Conseil le souligne lui-même. Il estime pour la première fois qu'il appartient au législateur d'assurer la conciliation des objectifs de valeur constitutionnelle de protection de l'environnement et de protection de la santé avec l'exercice de la liberté d'entreprendre et de poursuivre. À ce titre, le législateur est fondé à tenir compte des effets que les activités exercées en France peuvent porter à l'environnement à l'étranger. Autrement dit, désormais, les auteurs de projets, propositions de loi, quel que soit l'objet et l'ambition de leur texte, devront s'assurer que celui-ci respecte l'objectif de valeur constitutionnelle. Ils devront non seulement tenir compte de la santé et de l'environnement des Français, mais aussi raisonner au-delà du territoire national, en prenant en compte la santé et l'environnement sur l'ensemble de la Terre. Une décision essentielle, se félicite Florence Denier-Pasquier, juriste spécialisé dans l'environnement et vice-présidente de la Fédération d'ONG France Nature Environnement, qui avait porté le fer face à l'UIPP dans cette affaire. Historique, abonde l'avocat en droit de l'environnement Sébastien Mabil. Grâce à la reconnaissance de cet objectif de valeur constitutionnelle, le Conseil assure la prééminence de la protection de l'environnement sur la liberté d'entreprendre. C'est une sacrée avancée qui aura une influence sur la rédaction des lois. C'est ce qu'estime un de leurs confrères. Cette décision, qui marque un tournant dans la jurisprudence du Conseil constitutionnel, est définitive. Pour la remettre en cause, il faudrait modifier le texte fondateur. Elle risque de relancer le débat sur l'opportunité de réviser l'article 1 de la Constitution pour y inscrire une référence au climat et à la biodiversité, comme le souhaitait Nicolas Hulot et comme pourraient le souhaiter les membres de la Convention citoyenne pour le climat. Voilà, bien sûr, ça ne concerne pas l'utilisation, par exemple, du glyphosate en France ou en Europe, mais ça concerne quand même tous les produits qui sont encore fabriqués par des lobbies, pharmaceutiques, tout ce qu'on veut, et qui sont toujours exportés vers des pays, comme on citait le cas, par exemple, de l'atrazine. Voilà de quoi méditer au cours de cette journée, parce que, bien sûr, l'actualité est riche. J'ai voulu parler de ça, de cet article, de cette décision du Conseil constitutionnel. Mais bien sûr, il ne faut pas oublier tout ce qui se passe en ce moment, le problème des retraites, bien sûr, qui perdure, les manifestations, qui perdurent aussi, parce qu'on a tendance à étouffer ça dans un virus jaune, là, ou bien dans d'autres nouvelles plus importantes, mais il faut quand même voir que le social est toujours là et qu'on devrait en parler davantage. Voilà, bonne journée à toutes et à tous, et à jeudi prochain, si tout va bien.